J'ai le seum, qu'est-ce qu'ils veulent ces zèbres? Si seule clé de sol me console. Même au sol, je fais pas pitié. Moi au sol, je tape la coupole. Lève ma tête, même fatigué. Bac de nuit, m'attrape au col. Whisky petit que sti de speed. Je resterai pas de ceux qui se déguisent. Je t'explique, mes tirs sont précis. Je vise le cœur pour mieux que je le brise. C'est la mer, je quitte pas le quartier. Cristalline couleur vessie. Les femmes, les flammes te désirent. Trop tard quand tu te décides. Fume des terres en Perse. Étouffe-toi avec la fumée de deux. Le calme avant tempête. Où t'étais? Ouais, avant qu'on pète. T'aurais aimé qu'on se. T'aurais aimé qu'on soupe. J'suis en showcase en taille. T'es choqué à taille. J'peux mettre ta pied dans le black. Plier ta team en 4. Rappelle-toi, c'est moi. La famille pauvre du bâtiment 4. Souviens-toi de ma tête. Mets de la change mentale. Si personne m'enlèvera le sourire. Avec des signes. Plus jamais bosser pour 1000. Avec des signes. 100 000 albums de frappe platine. Avec des signes. Petit frère devient solide. Avec des si, je suis dans ton cul. Avec des mots, je reste dans ton cœur. Pas de peine d'amour, que des pannes d'oseille. Prends soin des femmes, pense à ta sœur. Lâche mon équipe, tu pues la poisse. Calage crimi, on se fait la passe. 93 sur la plaque du golf. Contrôlé à chaque limitrophe. T'as tout claqué, même poids tu coffres. Jean plaqué, refrain in-off. Jogging Nike, flow molotov. Toujours humble pour la toffe. Avec des si, j'envoie des signes, je m'adoucis. Mais souffrir, ça suffit pour s'endurcir. Rappelle-toi, c'est moi, la famille pauvre du bâtiment 4. Souviens-toi de ma tête, mets de la change mentale. Si personne m'enlèvera le sourire. Avec des signes. Plus jamais bosser pour 1000. Avec des signes. 100 000 albums de frappe platine. Avec des signes. Petit frère devient solide. Avec des signes. Solide, solide, solide. Avec des signes.